moi. C'est tout rêve, moi t'es fait comme des filets, des vents me s'arrêter. Sans l'aider. C'est touché, même et moi qui remonte dans j'aime contre l'omblé. Ciel la charrière. Ciel la charrière. Chaque fois moi, toutes étoiles qui l'enquêtent font mon goût. This one.